Sur la mauvaise route, celle de Beyrouth empêche de casser ma croûte. Débrouillard dans les histoires, bâtard en chute. Écoute Roya, évite le star et peu la femme m'en coûte. Que coûte, quoi que ça coûte. Écoutez sur la mauvaise route, celle de Beyrouth empêche de casser ma croûte. Débrouillard dans les histoires, bâtard en chute. Écoute Roya, évite le star et peu la femme m'en coûte. Je viens de LER, tous les jours amers. Toujours nique ta mère, passe le bonjour à ceux qui se démerdent. Même dans la demeure, on a plus de frères, plus de pères, plus de mères, plus de billets verts. Que des idées pervers, qu'est-ce que dit à puis vert. Au leur type ER, au bombé d'eau clair. Pour les colons, j'ai la bombe nucléaire. Sors le collant et le peupon, qu'on mette les choses au clair. Si t'es pas content, la pépon le dard et nique ton daron par derrière. ZELER, tous les jours j'ai les nerfs. Toujours c'est la guerre, toutes les secondes. Un frère, un père, une mère en Palestine meurt. Ça donne une tumeur. Si l'un de leurs meurt, ça devient une rumeur. Quelle bande de menteurs, quelle bande de tueurs. Vous méritez tous de mourir juste par honneur. Si ici passez le bonheur, c'est que dans l'autre là vous attend le malheur. J'ai mal au cœur, mes frères et sœurs. Et pour ce peuple, faisons en sorte que tout le monde s'en sort. Coûte que coûte, quoi que ça coûte. Écoutez sur la mauvaise route, celle de Beyrouth empêche de casser ma croûte. Débrouillard dans les histoires, bâtard en chute. Écoute Roya, évite le star et belle la femme m'en coûte. Que coûte, quoi que ça coûte. Écoutez sur la mauvaise route, celle de Beyrouth empêche de casser ma croûte. Débrouillard dans les histoires, bâtard en chute. Écoute Roya, évite le star et belle la femme m'en coûte. Que coûte, trace ta route, t'es peut-être sous-écoute. Les schmitts volent un scoop, ton scoop t'es belle la femme mouque. Où on t'a le rouge, on peut que trop du cul. Camille ma face sur Facebook pour soigner son look. Kick dans ta mère, évite les mythes, évite les cliniques, ça te ramènera pas la réussite. Je sais que dans le plus rare, y'a trop de parasites. Et je sais que quand je vais caner, je vais payer pour tous ces fanatiques. C'est pas fantastique, demande à Fantomastique. Traumatise la Matrix, trop à l'aise quand tu fais une Gatrix. Plus elle se met des wads en mode actrice. Je gueule pour les gars de l'Ocris, qu'on met des dégâts fils. Tu me connais pas, ton fils à fils, ça fait ziva ziva avec la zina zina. Je suis là pour chahuter, pour te shooter, pour chavirer ta société en vérité. On a hérité une banlieue banale. En réalité, ces enculés ont tout calculé. Coûte que coûte, quoi que ça coûte. Écoutez sur la mauvaise route, celle de Beyrouth empêche de casser ma croûte. Débrouillard dans les histoires, bâtard en chute. Écoute Roya, évite le star et belle la femme m'en coûte. Que coûte, quoi que ça coûte. Écoutez sur la mauvaise route, celle de Beyrouth empêche de casser ma croûte. Débrouillard dans les histoires, bâtard en chute. Écoute Roya, évite le star et belle la femme m'en coûte. Comme Zangief, on te nique, même pour MCLF. C'est leur zèle ref, j'fais hef, toujours zèf. Comme on ref Khalif, de coff coff, j'coffe Khalis. La vie c'est Ali, Ami, j'mets des bananes. Ou attaque dans le Nesby, j'blesse. J'aime Ken quand ça glisse. C'est que le hep si tu pratiques trafic, fabrique le narcotique. Les red bas, me taille des, sur le rinté. La vérité, y'a rien à gratter, on a rien raté. Que faire à part découper les pâtes au poulet. Ces ailes enculées, pendant que tu vas me sucer, j'vais t'enculer. Prêt à éjaculer, tu vas reculer, comme évacuer. Sans scrupule, tu vas spéculer. Tu sortis de la rue, indemne, miraculé. D'ailleurs quand je suis là, faut pas circuler. Ces ZEL matriculé, j'pose sur la SSL en rage. Coûte que coûte, quoi que ça coûte. Écoutez sur la mauvaise route, celle de Beyrouth empêche de casser ma croûte. Débrouillard dans les histoires, bâtard en chute. Écoute Roya, évite le star et belle la femme m'en coûte. Que coûte, quoi que ça coûte. Écoutez sur la mauvaise route, celle de Beyrouth empêche de casser ma croûte. Débrouillard dans les histoires, bâtard en chute. Écoute Roya, évite le star et belle